Un dîner géorgien par Alexandre Dumas. Lorsque j'arrivai à Tiflis, je crus, je l'avoue, arriver dans un pays à demi sauvage, à quelque chose en grand comme Nouka ou comme Bakou. Je me trompais. Grâce à la colonie française, composée en grande partie de couturières, de marchandes de mode et de lingères de Paris, les dames géorgiennes peuvent, à 15 jours près, suivre les modes du théâtre italien et du boulevard de Gand. Au moment où j'arrivais dans la capitale de la Géorgie, on s'occupait fort d'une chose. La princesse G avait rapporté un corset plastique et sa taille, déjà charmante, avait tellement gagné à cette nouvelle invention que c'était chez Madame Blot une véritable queue pour qu'elle écrivît à Madame Bombalet afin d'en faire venir tout un chargement. En ma qualité de parisien, je fus interrogé sur cette curieuse invention qu'il était impossible, m'assurait-on, que je ne connusse pas. Je crus que je serais obligé de faire un cours public. J'en fus quitte pour une note que je rédigeais et que je fis mettre dans le journal L'Aurore. J'expliquai dans cette note qu'au moyen du moulage sur nature de 400 ou 500 femmes, on en était arrivé à obtenir une classification méthodique du torse féminin, se réduisant en 8 types, dans chacun desquels les femmes de tous les pays et de toutes les races trouvaient un corset suivant les règles les plus rigoureuses de la statuaire. Cette note, insérée dans ce journal, eut des suites graves. Toute la rédaction encore vint m'inviter à un dîner géorgien. Or, si l'on sait à Tiflis ce que c'est que les corsets de Paris, je doute que l'on sache à Paris ce que c'est qu'un dîner à Tiflis. Un dîner géorgien, bien entendu. Un dîner géorgien, c'est un repas où l'on mange n'importe quoi. La nourriture est la partie la moins importante du repas, qui se compose surtout d'herbes fraîches et de racines. Quelles sont ces herbes et ces racines? Je n'en sais rien. Des salades sans huile et sans vinaigre, des ciboules, de la pimprenelle, de l'estragon et des radis. Mais quant à la partie liquide, c'est autre chose. Là-dessus, je puis vous renseigner. Un dîner géorgien est un repas où les petits buveurs boivent leurs 5 ou 6 bouteilles de vin et les grands leurs 12 ou 15. Quelques-uns ne boivent même pas à la bouteille, ils boivent à l'outre. Ceux-là vont à 20 ou 25 bouteilles. C'est en Géorgie une gloire de boire plus que son voisin. Or, la moyenne du voisin, c'est toujours 15 bouteilles. Dieu, qui mesure la rigueur du vent en faveur de l'agneau nouvellement tondu, a donné aux buveurs géorgiens le vin de Kakhessi, c'est-à-dire un vin charmant, qui ne grise pas, ou plutôt, entendons-nous bien, qui ne monte pas au cerveau. Aussi, les Géorgiens ont été humiliés de pouvoir boire 10 ou 12 bouteilles sans se griser. Ils ont inventé un récipient qui les grise malgré eux, ou plutôt malgré le vin. C'est une espèce d'amphore que l'on appelle une goula. La goula, qui est en général une bouteille à gros ventre et à long goulot, emboîte le nez en même temps que la bouche, de façon qu'en buvant, on ne perd non seulement rien du vin, mais encore rien de sa vapeur. Il en résulte que tandis que le vin descend, la vapeur monte, de sorte qu'il y en a pour tout le monde, pour l'estomac et pour le cerveau. Mais à part la goula, les buveurs géorgiens ont encore une foule d'autres vases des formes les plus fantastiques. Ils ont des courges à longs tuyaux, des cuillères à soupe au fond desquelles, je ne sais pourquoi, il y a une tête de cerf en vermeil dont les bois sont mobiles. Elle s'appelle kabi. Des coupes, larges comme des soupières, des cornes montées en argent, longues comme la trompe de Roland. Le moindre de ces récipients contient une bouteille qu'il faut toujours boire d'un seul coup et sans se reprendre. D'ailleurs, le convive géorgien ou étranger qui s'assied, je me trompe, qui s'accroupit à une table géorgienne, toujours maître de ce qu'il mange, n'est jamais maître de ce qu'il boit. C'est celui qui lui porte un toast qui décide de la capacité de son estomac. Si le toast est porté avec une goula pleine, avec une courge pleine, avec une kabi pleine, avec une coupe pleine, avec une corne pleine, celui qui accepte le toast doit vider jusqu'à la dernière goutte la goula, la courge, la coupe, la kabi ou la corne. Celui qui porte le toast dit ses paroles sacramentelles « Allah berdi ». Celui qui accepte le toast répond « Yak seyoldi ». Ce défi lancé, il faut boire ou crever. Qu'on juge donc, moi qui ne bois que de l'eau, de quelle torture j'étais menacé en acceptant un dîner géorgien. Je n'en pris pas moins bravement mon parti. J'arrivai à l'heure dite. Pour me faire honneur, on avait rassemblé 2 ou 3 buveurs renommés, et entre autres le prince Nicolas Tchatchavadze, et un Polonais nommé Joseph Penerebski. Nous avions en outre un poète et un musicien. Le poète se nommait Evangul Evangulov. Notre hôte se nommait Jean Kiresiledze. Nous étions à peu près 12 à table. La première chose qui me frappa en entrant dans la salle à manger fut une immense jarre, spécimen de celle des 40 voleurs d'Ali Baba, contenant 80 à 100 bouteilles. Il fallait la vider. Un grand tapis était étendu à terre. Sur ce tapis étaient posées des assiettes avec fourchettes, cuillères et couteaux, pour nous, habitués à ces délicatesses. Les convives du pays devaient, selon la vieille coutume patriarcale, manger avec les doigts. On me donna la place d'honneur au milieu de la table. Le maître de la maison se plaça en face de moi. On mit à ma droite le prince Nicolas, à ma gauche M. Penerepsky. Le musicien et le poète se placèrent à l'un des bouts de la table et le dîner commença. J'ai pour habitude d'éviter le danger aussi longtemps que je le puis, mais lorsque le moment est venu d'y faire face, je m'arrête et je tiens résolument au chien. Ce fut ce qui m'arriva dans cette circonstance. L'homme qui ne boit pas de vin, ce que je vais avancer, aura d'abord l'air peut-être d'un paradoxe, mais deviendra une vérité pour quiconque approfondira la question. L'homme qui ne boit pas de vin a, au moment de la lutte, un grand avantage sur celui qui en boit. C'est que celui qui en boit a toujours au fond du cerveau un reste d'ivresse de la veille, à laquelle se soude l'ivresse du jour. Tandis que celui qui ne boit que de l'eau arrive avec une tête ferme et saine, qu'il faut d'abord que le vin mette au niveau de celle des buveurs. Eh bien, avec le vin de Kakhétsi, c'est toujours l'affaire de 5 ou 6 bouteilles. Combien en vidais-je pour mon compte au milieu des gammes du musicien et des gargouillades du poète qui mangeaient et buvaient entre leurs improvisations? Je ne saurais le dire. Mais il paraît que ce fut majestueux. Car le dîner fini, il fut question de me délivrer un certificat constatant ma capacité, non pas intellectuelle, mais métrique. La position fut acclamée. On prit un morceau de papier où chacun mit son attestation et sa signature. Le maître de la maison ouvrit la marche par ces 3 lignes. Monsieur Alexandre Dumas est venu dans notre pauvre rédaction et y a accepté un dîner où il a pris du vin plus que les Géorgiens. 1858, 28 novembre, vieux style, Jean Kiresiledze, rédacteur au journal géorgien L'Aurore. Quant aux autres certificats, je renvoie mes lecteurs à l'original que je tiens à leur disposition, attendu qu'ils sont en géorgien, en russe et en polonais. Nous avons dit que les Géorgiens étaient, sous le rapport des charmants défauts dont les a doués la nature, les élus de la création. Nous avons dit qu'ils étaient prodigues. Ils portent avec eux la preuve de cette prodigalité. Tous les Géorgiens sont ruinés, ou à peu près. Il est vrai que le gouvernement russe les a puissamment aidés dans cette œuvre. C'était un dîner géorgien par Alexandre Dumas.